Adie, y a Jean dédié Bialou, m'a dit le système. Père son âme, m'a yami son angaï. Nyon se sili na koka oka, pon a bolé la yo. Passi et tikala, gana motema. Yangona le lion en zembe. Pon koko na yo, Jean dédié Bialou, koko M, aïba ki osala ki na pomoy. Signé, Letis m'a dit le. Ma belle. Yo te quiero la paz y no me temo. Papa Paul Ndombe. Papa nanga madilu, mwezali buku ya lopango ya seko na seko, esika bakunda papa nanga. Petit masikini, yeah.